maman ne dort pas de la nuit. J'ai volé son sommeil. Et toute la nuit je suis en bas. J'ai des responsabilités, encore une nouvelle naissance. Une connaissance qui décède, inconsciemment je dessoule. Si je ferme les yeux, je m'endors de suite et je me réveillerai déçu. La même tous les jours, elle me fait bander, je ne nie pas. Elle sur sa mère, la pute, elle me fait passer pour ce que je suis pas. Confirme que c'est la street, ouais, vite, merde, il happy, presse. Tu veux appeler vite, justice à deux vitesses. Combien m'entoure et sort cela, combien m'épaule. Combien me soutiennent et sur cela, combien m'écoutent. Dis-moi combien tu vaux toi, dis-moi combien un coup d'œil. Dis-moi combien il faut, je te sers d'un air dégoûté. Je m'adore pas de la nuit, parce que je suis malhonnête. Fils de je suis mal poli, les menottes me font mal aux mains. Je m'adore pas de la nuit, parce que je vais plaider coupable. Parce que je m'entête et que je m'endette et que ma voix n'agit pas de la nuit. J'ai des émotions, je peux pas les exprimer en emoji. Je peux pas faire semblant, j'apprends mes leçons. Toutes mes leçons, je les mémorise. Mémorise, la culture du rap et sa théorie. Des milliers de textes dans mes mémorises. Mémorise, virtuel. Tous nos souvenirs dans nos mémorises. Dans la matrice comme Kenny Reeves. Je suis resté le même et ça mémorise. Mémorise, maman m'a dit que j'ai le même rire. Comme mon grand-père et les mêmes rires. Que je peux assumer les mêmes rires. Sacrifier ma vie, même brûler la ville. Et tout ça pour éviter la pénurie. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Le temps est rapide, il est passé. Tes genoux j'étais assis. 20 ans plus tard je suis dans la zone. A peine on m'a dit que je rentre à l'espace. Je suis dans mon délire, ouais je parle seul. Je suis pas le soleil, franc jamais pas le sommet. Je suis trop fier donc trop fermé. Donc trop à l'ancienne. Toi t'es trop ouvert, tu risques de nous balancer. A peine on m'a dit que je rentre pas le soir. Je suis pas le seul.